Deuxième partie, ce qui se cache sous la légende. Ça cache quelque chose. As-tu déjà levé une légende, voir ce qu'il y avait en dessous? Une légende de jeune? Ça grouille. Quand j'étais jeune, il y a une légende qui m'a marqué. Et oui. Dans quelle vie? Dans cette vie-ci. C'était à la télévision, c'était un film, puis ça se passait au Tibet. Un avion qui avait écrasé, puis les gens se retrouvent dans un village dans des tropiques. Ça se trouve dans les montagnes au Tibet. Puis personne n'a trouvé ce village-là, c'était une légende. Est-ce que cette sorte de village-là, tropical, existe dans existe réellement ou c'est seulement des légendes, des histoires? Mais dans la légende, ça existe. Les microsystèmes dans l'Himalaya, il y en a. Il y en a quelques-uns qui ont même d'ailleurs été découverts, étant donné qu'on a de temps en temps des effets de serre majeurs, ou là où on a des couches de nuages qui sont engendrées par la sortie d'eau chaude de la montagne. Ça crée un effet de serre, ça crée des couches de nuages assez denses qui restent en hausse, donc on a un effet de serre progressif. Il y a des gens qui ont découvert ces endroits-là, qui ont amené des graines, qui ont amené des animaux, qui ont amené des choses. Puis au niveau d'une exploration aérienne, étant donné que la neige, c'est blanc, puis qu'on voit des nuages régulièrement dans l'Himalaya, bien nécessairement, on ne peut pas le voir. Mais qu'est-ce que je voulais amener, c'était que dans ce village-là, c'était pas simplement la nature. Tu parles de la légende, là. Moi, je parle de l'écosystème. Bon, l'étude de radar aux rayons X, etc., on peut voir à travers les couvertures nuageuses, on a démontré qu'il y avait effectivement des petits micros dans l'Himalaya. Le village. Le village. Avec les gens qui sont tout doux, qui s'en vont. Oui, c'est des gens qui se sont retirés tout seuls, là, et font plus partie là, de la société planétaire. Et à l'époque, les gens se retiraient. Aujourd'hui, Steve. Alors, qu'est-ce que je trouvais, moi, c'était vieux, c'était ancien, comme si ça venait d'anciennes civilisations, soit égyptiennes, juste genre de là au moins 30 000 ans. Que ça se retrouve là, dans ces régions-là, sur les hauts plateaux malayens, qui vivent encore. Bon, ça fait référence à la légende de la Garta de Shambhala. Ça serait ça, la Shambhala, la Garta. La Garta est sous terre, Shambhala est en surface. Dans la même place. Oui, on parle de légende, pour l'instant. Après ça, on verra ce qu'il y a derrière les légendes. On va commencer par parler de légendes. Parlons de la légende. Shambhala, non, Lagartha, premièrement, c'est une cité qui, théoriquement, donc selon la légende plutôt, a été fondée par des maîtres du monde. Il y a de cela plus longtemps que ça. Et puis, Lagartha, progressivement, est devenue tellement densifiée que les forces du mal sont nées à l'intérieur. Les plus blancs des maîtres ont migré vers la surface et ont fondé une deuxième cité, celle qu'on peut retrouver dans l'Himalaya en surface, qui sera appelée Shambhala. Shambhala va être la cité blanche des maîtres du monde, et une guerre va, parce que c'est toujours comme ça dans les légendes, une guerre va opposer donc les maîtres du mal aux maîtres blancs, aux maîtres du monde, qui théoriquement devraient gagner, bon, théoriquement encore, c'est pas compliqué. Et puis donc, on aura des forces luciférienne, sataniennes, arimaniennes, etc. Il y aura le mal partout sur la planète Terre. L'évolution pour libérer l'humain à travers le mal et l'évolution pour libérer l'humain à travers le bien. Deux entités qui vont s'opposer, le noir et le blanc. La légende enseigne aussi que de Shambhala va se greffer des tentacules dont l'une va aboutir au pôle Nord, près du Québec, mais en Canada, disent les légendes. D'autres vont avoir des ramifications au niveau de l'Égypte, au niveau de l'île de Pâques, au niveau de plusieurs endroits. L'Australie. Pas l'Australie, non. L'Australie, c'était un autre légende. pour rester avec la légende de Charles-Louis-Lagarde. Le maître du monde le plus connu, selon cette légende-là, c'est le Père Noël, qui sort de temps en temps par une des bouches là-bas, au nord. Mais il livre pas des cadeaux, là. Non, il livre du coke. C'est ça qui neige. Dans la mafia, lui, coke, mafia. À peu près. Mais non, mais le Père Noël, effectivement, la légende du Père Noël, c'est une légende chambaléenne qui a été reprise par la compagnie Coca-Cola. Et puis, Saint-Nicolas, avec Santa Claus, qui lui est un extraterrestre. Bon, mais restons au niveau de l'Himalaya. De là, on aura formé des moines tibétains, des lamas. Nuance avec les moines des Andes, qui sont aussi des lamas, mais qui ont quatre pattes. Alors, les lamas tibétains, n'est-ce pas? Qui crachent au visage. Oui, les lamas tibétains, il y en a qui crachent au visage aussi. Mais c'est pas tout à fait le côté génétique. Alors, on a des forteresses, des villes, des monastères-villes qui vont être construites. Et là-dedans, on aura à un moment donné le Potala, entre autres, qui va être l'endroit où va aller vivre le représentant tibétain du Bouddha, c'est-à-dire la réincarnation d'un des maîtres du monde qui aurait vécu, donc théoriquement, dans le corps de Siddhartha Gautama, le premier Bouddha. Et lui va s'occuper du bouddhisme tibétain, il va se réincarner d'année en année. Et normalement, à partir de le Shambhala, va vivre dans le Potala, qui est une ville-monastère immense, qui a été attaquée par les Chinois quand les Chinois ont conquis le Tibet. Et de là, le Dalai Lama, évidemment, s'est poussé. On est rendu jusqu'à Sainte-Justine. Rendu à ce niveau-là, on n'est plus dans la légende. C'est-à-dire que c'est toute une question, mais ça dépend. Parce que le Dalai Lama qui est venu ici à Montréal est théoriquement la xième réincarnation du Dalai Lama. Donc, il sort de la légende. Et ce qui est intéressant dans la légende, c'est que, et on va reparler un peu, mais c'est bon de parler au départ des légendes pour comprendre. Quand je vais expliquer un peu ce qui est en arrière, on va aller un petit peu là, comprendre que ce qui se passe dans une légende, ça fait partie de ce qui se passe dans une réalité. Et il y a plus qu'une réalité dans l'expression actuelle de ce que lui m'appelle la vie. Il y a plus qu'une réalité. On peut dire qu'il y a différents points de vue, mais ça, c'est la vision psychologique des choses. Il n'y a pas différents points de vue, il y a différentes réalités. Et à un moment donné, il y a des parallélismes qui se côtoient très, très, très profondément, des mondes parallèles, qui vont faire en sorte de se mêler tellement, tellement, tellement que l'humain va vivre avec son corps physique pendant un laps de temps dans un monde qui n'était pas et qui ne sera pas. Et de là, on aura l'idée de la légende avec des choses qu'on va trouver. Au moment où il réincarne. Oui. Par exemple, la légende, si on regarde la légende de Lagartha de Shambhala, ben c'est une légende. Mais tout le Tibet est bâti sur la légende. Alors, quelque part, il y avait quelque chose, il y a des choses qui sont maintenues. Si on regarde l'idée même du Dalai Lama et de ses réincarnations, lorsqu'il meurt, il va dire en mourant dans quelle région du Tibet et vers quelle époque il va se réincarner. Les moines vont aller dans la région à l'époque recherchée, un jeune. Ils amènent des choses qui ont appartenu au Dalai Lama et ils vont les laisser traîner, ils vont se promener avec ça, ils vont essayer d'appâter le Dalai Lama qui a 2 ans ou 3 ans ou 5 ans ou 6 ans, dépendamment de l'année où ils vont y aller. Donc c'est toute la légende qui s'y réincarne. Ben là, c'est une légende. Mais à un moment donné, il y a un jeune qui voit l'affaire qui dit « Hey, t'as moi ça! » Mais le jeune n'a pas le choix non plus. Bien, ça, on le sait, mais là, par exemple, dans la légende, plutôt que dans le barbite. Mais c'est parce que là, c'est plus la légende. C'est que la légende, elle a amené des faits qui, eux, se sont perpétués. Puis on peut les vérifier, ces faits-là. Oui, moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que même terre à terre, ça ne veut pas dire que ce que nos cinq sens voient, c'est la fin du monde. Plus de choses. Alors, à un moment donné, on va vérifier le jeune. On lui fait passer des tests pièges majeurs. Et le jeune, il est défaitou. Et finalement, on va dire, écoute, si c'est à toi, c'est que t'es le Dalai Lama, puis le jeune, je le sais. Mais là, il sait, ça va pas avant. Et finalement, ben là, on le ramène au potel. Les parents disent rien, tout le monde dit rien, puis c'est impeccable. Puis le jeune, il vit comme j'expliquais dans la dernière conférence, comme s'il avait vu une vie de 5, 6, 700 ans. Et subitement, il est le Dalai Lama et il poursuit ce que les Dalai Lama ont toujours fait. C'est pas comme nos papes. Bon, alors ici, c'est parti de la légende, mais la légende, on peut la rencontrer aujourd'hui. Il y a un terme d'ailleurs, c'est de rencontrer une légende vivante. Daniel Boone. Oui. Donc, quand on pense à légende, quand on parle de légende, on pense beaucoup à ces vieux pays-là. Le Tibet. Oui, on a effectivement mais dit que les vieux pays on ont a, des on a beaucoup de légendes, parce que ça, j'étais bien jeune quand j'avais vu ça. Là, j'ai grandi. Il y avait des émissions de télévision. Là, il y a d'autres légendes apparues. Il y avait en Angleterre, il y avait toute une histoire avec Robin des Bois, ces choses-là. Puis souvent, dans d'autres pays, chaque peuple a ses légendes. Mais en quelque part, ça se rejoint parce que c'est une rouquerie. C'est des légendes majeures, c'est ça. C'est le mot-clé que je cherche. Une légende majeure. Légende. Hiram Abiff. Astérix. Jérusalem. Va être l'architecte des différentes villes. Babylone. Il va revenir plusieurs fois. À un moment donné, ce bonhomme-là, selon la légende, s'appelle Lazare. Notre Lazare rencontre un bonhomme qui s'appelle Jésus. Légende. Jean le Baptiste est probablement Jésus. Mais dans un autre corps, il y a un problème. Oui, il y a un sérieux problème. Ouais. Je vais l'éliminer à un moment donné. Les gens. Là, on rentre dans la légende par une porte parce qu'il y a Noé qui est au complet. Bon. À un moment donné, on a dans la légende ici un bonhomme qui se pointe là qui s'appelle Caius Gassius, un soldat romain. Il y a Jésus qui se fait crucifier, mais qui avant ressuscite Lazare et tue Jean. Qui tue Jean? Jésus. Ben, c'est-à-dire qu'il fait tuer. Les messagers de l'ange Gabriel vont. Et puis, Caius, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'avec sa lance, il perce la poitrine de Jésus. C'est pas l'Orgène. Caius Gassius. On va l'appeler l'Orgénus après. Celui qui avait la lance. Parfait. Longinus ramène la lance à Tibère. Ben, il ramène l'idée que Jésus est mort. Dans la légende, à travers le temps, à un moment donné, il y a un bonhomme qui s'appelle Arthur. Arthur est la réincarnation de Jésus, pas du Christ. Le Christ a crissé son camp sur la croix. Oui. Et Jésus, il s'est retrouvé là en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, on a Jésus, qui a encore à l'époque cette vitesse psychologique dans le corps du bonhomme de 30 quelques années. Jésus est Arthur, mais Longinus, selon la légende, s'est rendu compte qu'il avait tué celui qu'il ne fallait pas tuer, mais qu'il avait vérifié, mais qu'il était là pour vérifier. Ben oui, un envoyé de Tibet. Et puis, Longinus va retrouver Arthur, mais Lazare, lui, à un moment donné, revient. Et il revient sous l'habillement d'un chevalier sans peur et sans reproche. Pas Bayard, c'est autre chose. Il revient dans un chevalier blanc qui va avoir été élevé par une sorcière sur le bord d'un lac. L'enclos du lac, évidemment. Cette sorcière qui a double visage et qui est Marie et Madeleine, selon la légende, et là on part de Judée, on est rendu en Angleterre. À travers cela, du fin fond du mystère de, bon, on a Lazare ici qui est réincarné, qui revient, qui va être effectivement Lancelot du lac parce que, bon, il était élevé sur le bord du lac par une sorcière, qui, elle, va avoir différents noms à travers la légende et qui en avait déjà à l'époque et qui était une sorcière qui se servait de la sexualité mâle pour ramasser son énergie. On l'appelait une prostituée à l'époque. Bon, elle était sorcière. Et lentement, ben, notre Lancelot va rencontrer le serveur, c'est-à-dire le Caius Gassius Longinus, qui va être Perceval. Perceval est le seul qui, dans la légende, aura toujours été capable de toucher le Graal, c'est-à-dire le Christ. Il a touché avec la lance. Arimathie, Joseph, a ramassé le sang dans la coupe. C'est Perceval qui va aller la retrouver à la suite. Lui va suivre le bonhomme ici, va rencontrer encore Jésus quand Jésus est très mal pris, parce que là, il y a un problème de couple. Et puis, bon, saute des détails comme ça, là. Judas, c'était le meilleur ami de Jésus. Il revient aussi dans l'eau ici. Thomas revient à l'époque d'Arthur aussi, pour justement, celui qui va créer la chicane d'ailleurs, il va avertir que ça va mal à la table ronde, c'est parce que Lancelot est amoureux de la reine, et puis il va... Est-ce que Barabbas revient? Comment? Barabbas. Non, Barabbas, on l'oublie. OK. C'est à peu près dans les légendes, c'est celui qui est le moins connu. Je sais pas pourquoi on dit connu comme Barabbas en passion, là, mais en tout cas. Connu. Barabbas, c'est le moins connu dans les légendes, lui. C'est un chef zélote. Il gagnait la loterie, la zéloterie. Mais... Bon. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'à travers la légende, des pays du Nord descend une autre mécanique, qui est un feu, un dragon. Ce dragon-là était là lorsque le monde est apparu. Ce dragon-là a formé les premières, a fourni à l'homme le bronze. Le bronze, c'est un métal migrateur. Il part du sol et il monte vers la surface. Alors, les anciens, les hommes de l'âge de bronze, ont trouvé du bronze dans des mines à ciel ouvert, c'est-à-dire à la surface du sol. C'est pour mélange de métal, de du béton. C'est un mélange, effectivement. Et lentement, ce bonhomme-là ici, qui a été connu dans le Nord comme étant un dragon, apparaît mélangé à, apparemment, les réincarnations de Jésus, de Lazare, etc. Et ce monstre, ce dragon-là, selon les légendes, va porter un nom qu'on connaît bien, qui est Merlin. Mais Merlin, lui, il sait très bien qu'en Espagne, dans un château, il y a des personnes là, et il y a un grand roi qui a le Graal. Mais ce que l'on sait, c'est qu'un jour, notre Arthur, selon la légende, va dire une chose particulière, c'est-à-dire que, premièrement, il va rechercher une énergie matrice pour gouverner. Cette énergie-là, il va la rechercher dans le dragon, ce que Uther, son père, avait essayé de faire. Uther l'avait recherché plus dans une femme. Ça a donné Arthur, mais ça n'a pas donné d'autres résultats. Par la suite, notre bonhomme ici va avoir une épée qui va s'appeler Excalibur. L'ancien Calibur. Alors, Excalibur symbolise le dragon, mais dans la religion chrétienne, c'est la croix. Alors, les croisés avaient aussi l'épée. L'épée, dans un sens, c'est la croix, dans l'autre sens, c'est pour défendre le Christ. Alors, à l'époque, on avait des sabres, comme les musulmans. L'épée est assez typique des chrétiens, pour évangéliser, évidemment. Et Merlin va devenir la représentation du dragon. Lui sait très bien que le dragon va mourir. Merlin est d'autres. Les temps changent, il y a d'autres forces qui vont prendre de dessus. Arthur va clamer, à un moment donné, une terre, un roi. Et pour la légende, ce n'est pas l'Angleterre. C'est la planète Terre. Ben ça, il savait qu'il ne serait pas compris en disant ça de toute façon à l'époque. Ben c'est sûr. Mais les gens aiment ce qu'ils ne comprennent pas. Les gens ont aimé Arthur. Bon, selon la légende ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Jésus revient dans la légende sous un personnage qui va porter le nom de Jiddu. La légende dit qu'une personne, à un moment donné, avec un colonel, se promenait dans une rue aux Indes et a rencontré deux enfants qu'elle a trouvés extrêmement intelligents, Jiddu Krishnamurti et son frère. Alors, elle a demandé aux parents si elle pouvait les adopter. Elle était sûre que c'était la réincarnation de Jésus. Alors, elle a préparé l'ordre de l'Étoile d'Orient, qui était un ordre. Il y a eu des ramifications en France, il y en avait aux Indes, etc. Il y avait quelques centaines de milliers d'individus qui étaient déjà le petit bonhomme, alors qu'il était rendu à 12, 13, 14 ans. Et puis, à un moment donné, ben, il a fait une conférence devant une grande partie de l'ordre en disant que je dissous l'ordre de l'Étoile d'Orient parce que la réalité ou la vérité, appelez-la comme vous voulez, ne peut pas être maintenue sous un seul toit. Alors, il dit bye-bye. Mais la légende avait prédit que. Et là, comme ça, on en part de légendes intéressantes où on a une île tout près de l'Angleterre où va vivre là certaines sorcières ou d'où vient Merlin. Cette île-là, elle est sur certaines cartes de l'époque. L'île n'existe pas aujourd'hui. Elle n'existe pas ou elle n'existe plus? Question. Un peu plus tard, apparaît dans la légende, ça se poursuit ici, un bonhomme qui était jeune fou. Et à côté, un bonhomme qui est un jeune brillant. Le jeune brillant, un jour, attaque un ours qui est libéré et arrive à le tuer. Alors on dira de lui qu'il a un cœur de lion. Mais lorsque lui commence à devenir un peu plus stupide, le jeune stupide qui s'appelle Robin de Locksley devient intelligent. La légende dit que l'entité de Jésus a traversé d'un à l'autre. Pendant que l'un a quitté l'Angleterre pour faire ses croisades, l'entité est restée en Angleterre parce que l'Angleterre devait être ce qui va engendrer les États-Unis d'Amérique, qui vont être les gardiens de la menée un jour de l'ère nouvelle. Ben, les gens, ne pensez pas que je crois tout ça, moi, là. Oui, mais eux autres, c'était pas des frères, là. Comment? Dans le cas de Jésus, Jean le Baptiste, c'était des frères. Puis là, eux autres, c'était pas des frères. Non, mais non, à un moment donné, écoute, tu peux pas tellement diriger qui couche avec qui, tu sais. À un moment donné, ça vient au monde. Les réincarnations se font en fonction des véhicules physiques et non pas en fonction des lignées familiales. C'est pourquoi les rois essayaient toujours, et les reines, d'avoir des lignées familiales le plus consanguines possible, inconsciemment, pour obliger la réincarnation à se faire là-dedans. Il fallait que tu sois de mon sang pour être de ma famille. Mais lentement, ça se perd parce que les rois et les mariages consanguins créent des problématiques psychologiques. En tout cas, tu deviens un peu fêlé, la honte. Après 4-5 générations, tu commences à des problèmes, après de 20 ans, tu en as pas mal. J'avais fait près de 30 sous depuis 20 ans. La légende, elle dit qu'à un moment donné, le baptiste revient en Angleterre, revient en France, et qu'est-ce que le baptiste fait? Il réunit des gens, il les envoie en croisade. En croisade pour aller délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte, c'est Jean le Baptiste. Il s'en va. Rendu en Terre Sainte, à Jérusalem, entre autres, le baptiste va réunir des gens et il va s'arranger pour qu'on leur donne partie d'un temple. Ce sont des chevaliers, des moines chevaliers, qui vont être appelés les Templiers. Par la suite, ceux-ci vont inventer les chèques de voyage. Ils vont inventer toute une série de phénomènes banquiers et ils vont développer une armée assez puissante et ils vont migrer vers le Québec à un moment donné parce que poursuivis par l'Inquisition templière, ils vont amener au Québec, dans les montagnes du Chic-Choc, en Gaspésie, leur trésor. Qui, évalué à aujourd'hui, le trésor nous permettrait encore probablement d'acheter la planète, selon la légende. Ce qui est intéressant, selon la légende, c'est qu'ils sont venus avec des Vikings, ils ont pris une montagne en Gaspésie, ils ont coupé la montagne, ils ont creusé un trou, ils ont mis le trésor dedans, ils ont inversé la montagne de bord, puis ils l'ont planté dedans. Matériellement, concrètement... Mais non, ça c'est la légende! Est-ce que c'est vérifiable? Aujourd'hui, si tu vas sur le mont Chic-Choc, tu te rends compte que c'est un plateau. Et que tu te rends compte que les études géologiques ont démontré que plus tu creuses vers le fond, plus le fond ressemble au sommet d'une montagne. Mais il n'y a pas de et qu'à la surface, c'est identique à un fond marin. Ça, c'est réel aujourd'hui. Quand tu prends des pamphlets du ministère du tourisme, etc., un des mystères du mont Chic-Choc, c'est que la montagne semble être à l'envers. Plus il creuse, plus ça ressemble à un sommet de montagne, puis toute la région est normale, plus tu creuses, plus c'est creux. C'est-à-dire que plus on a des couches creuses, alors qu'à l'inverse, la surface semble être plus vieille que le fond. La montagne s'en mettait à l'envers. Puis tous les noms qu'on donne, ésotériques, là, comme les tables de Moïse, la rivière du diable. Sur le Mont Chuk-Chuk, tu vas avoir les tables de Moïse, les chutes du diable, les portes de l'enfer, qui sont des termes qui sont des traductions de termes amérindiens, désignant encore des phénomènes maléfiques. Bon, Daniel, au début de ton dessin, tantôt, tu partais du Nazaréen, puis tu revenais jusqu'à finalement aujourd'hui, là, avec les gens. Oui, c'est sûr, c'est les gens. Alors, dans cette suite-là, tu arrives jusqu'ici, au Québec, puis tantôt, tu t'es préparé, finalement, du Nazaréen vers l'Angleterre, ça prépare les États-Unis, et, bon, continue. T'as raison, Québec. En l'an 1000! Pourquoi rentrer au Québec? Il y a un bonhomme qui se promène, et puis lui, il se fait appeler le chrétien. À l'époque, remarque, il passait inaperçu. C'est ça. Bon. C'était pas jeune. Mais lentement, il disait que lui voulait rallier la rose et la croix. Le supplice, c'est la paix. Là, on peut en parler de les deux complets. Alors, il s'est fait appeler progressivement le chrétien rose-croix. Là, il n'y en a pas beaucoup. La légende pourra aussi parler de chrétien rosenkreuz. On peut changer les mots comme on veut, à un moment donné, là. Bon. Lui, il se promène, c'est un bonhomme qui est relativement pauvre, qui a la possibilité de guérir les gens autour de lui, d'apaiser les colères, d'expliquer des choses, selon la légende. Et cette légende-là, qui est très longue, qui s'étire sur plusieurs centaines d'années, va amener quelque part la fondation d'un ordre majeur, l'ordre aux Rosicruciens, et d'un autre ordre majeur en Angleterre, l'ordre franc-maçonnique. Franc-maçon de l'idée légendaire de Freemason, les fils de l'homme libre. Et aujourd'hui, selon la légende, Christian Rosenkreuz serait Lazare. Et selon la légende, lorsque Jésus s'est en allé, lorsque le Christ s'est en allé, Jésus est resté là, lorsque le Christ s'est en allé, il a légué à Lazare les forces, les lois, enfin la compréhension des mécaniques qu'il avait envoyées d'ailleurs dans le monde de la mort, il l'a ramené, alors qu'à Pierre, il leur aurait donné uniquement le contrôle de la couverture. Pierre l'a trahi, Pierre l'a vendu, Pierre l'a renié. Lazare, le jamais. Et selon la légende, finalement, le vrai, celui qui a continué le travail du passage nazaréen, serait plutôt le comte de Saint-Germain. Donc, encore une fois, qui est Lazare, qui est Christian Rosenkreuz, qui est le comte de Saint-Germain, qui est Thomas Paine, qui est un paquet de personnages à travers l'histoire complète, l'inventeur de locomotive, celui qui a rédigé l'acte d'indépendance des États-Unis. Etc., etc., selon la légende. Ce qui est intéressant, donc, dans les légendes, parce qu'on peut parler de... Moi, j'ai une question avant de... Tu peux, oui. Moi, les légendes, qu'est-ce que ça représente pour moi, c'est ça qui m'a éveillé. C'est quand j'ai, dans ma jeunesse, je vivais dans l'absurdité, c'est à cause que j'ai lu une légende, puis que finalement... Mm-hmm. C'était l'histoire des maîtres dans le bout du Tibet. La vie des maîtres? C'est ça. Et puis, à cause de ça, sans savoir, sans vérifier, sans voir si c'est vérifiable, je m'accrochais à ça parce que c'était bien plaisant d'y croire. Parce que moi, c'était un espoir pour moi. C'était un phare, c'est mon cheval de bataille qui me dit, bon, ben, il faut que je me batte pour contre l'absurdité. Tu vois, dans la légende, on peut parler de cheval de bataille. Oui, mais tu comprends-tu ma question, là? C'est comme, c'est plus que, moi, je trouve ça, bon, c'est pas la première fois que j'entends parler de tout ce que tu m'amènes, mais c'est plus que ça, là, ce qui se cache, la légende, pour moi, là, c'est ça. C'est que ça représente tout le monde qui sont allumés. Isis puis Osiris. Oui, ben, c'est j'attendais justement que pour amener ça, c'est que 2000 ans avant le Nazaréen, en Égypte, il y avait Isis et Osiris, qui étaient le représentant du mâle et la femelle, qui ont eu un fils qui s'appelait Horus, mais d'où la légende, c'est qu'elle, elle était vierge, ça a été enfanté. En tout cas, c'est la réplique de ce qui allait se produire après pour le Nazaréen. Et tu retrouves Bouddha, ça dans... Bouddha est né d'une mère vierge. Même chose pour Isis Horus. Oui. Même chose pour le Nazaréen. Tu retrouves ça dans différentes... Chaque avatar, c'est le terme arien, le oui. terme hindou, ou le terme sanskrit, pour désigner ces personnages-là, normalement, ils naissent de mère vierge. Dans le cas d'Arthur, il est né d'un faux mari qui a été déguisé par le dragon, parce qu'à un moment donné, Uther a pris l'apparence du mari de la mère d'Arthur. Mais à chaque fois, pour que ces personnages-là puissent sortir de la légende, effectivement, dans la majorité des cas, et plus le personnage va être grand, plus il faudra que l'axe c'est moitié physique puis moitié réel, je sais. Vois-tu la légende de Bouddha? Il paraît que Bouddha, à un moment donné, il est sorti, bon, il a fait une fugue, parce qu'on faisait des fugues même à cet âge-là, il y avait une trentaine d'années. Et puis, là, il a vu un mort, il a vu un pauvre, il a vu un malade, et après, tout le temps. Quand il s'est enfui silencieusement, secrètement, avec l'aide d'un serviteur, et à dos d'un éléphant qui courait. Mais les dieux ont vu dormir en dessous des pattes de l'éléphant pour pas que ça fasse de bruit. C'est facile de parler de légende, sauf qu'à l'époque, tu essaieras de sortir d'une place dans même, de là, il y a là du bon. Il est sorti quand même. Bon, le Nazaréen, toute la légende, on parle de son histoire dans le Nouveau Testament, dans la Cosmogonie Durantia, dans d'autres livres. Mais, tu sais... Il est né probablement dans une grotte nazaréenne. C'était assez gros, ces grottes-là. C'était des hôtels à l'époque. Uniquement pour la secte nazaréenne. Mais si on fait juste parler de la légende, par exemple, du bonhomme qui, à un moment donné, s'en va massacrer toutes les jeunes qui sont venus au monde, on retrouve ça dans d'autres légendes, pas juste dans la légende chrétienne. Bon, on a des légendes qui sont intéressantes, de joueurs de flûte, par exemple, qui part pour vider la ville des rats, mais parce que le roi ne le paye pas, il part avec les enfants. Mais ce qui est intéressant dans les légendes, voilà. Aujourd'hui, on a des preuves physiques qu'à un moment donné, il y a une ville en Europe, à une certaine époque, qui a été vidée. En fait, tous les enfants ont été enlevés. Probablement qu'ils ont tous été embarqués sur des bateaux. On a une idée des bateaux par une cargaison de jeunes enfants esclaves qui ont été reçus quelque part. Quelques semaines plus tard, et on se rend compte progressivement qu'il y a des choses qui sortent, que la légende compte, puis qui, à un moment donné, ont des traces de vérité. C'est impressionnant pour l'humain. Et pourquoi moi j'ai accepté de faire la conférence sur les légendes, c'est uniquement pour nous amener à nous rendre compte que les livres d'histoire sont des légendes. Ce sont des interprétations en fonction de la découverte d'éléments. On interprète la disparition des dinosaures, par exemple, en fonction de la découverte de cimetières majeurs à un moment donné. Et là, on va dire, il y avait des prédateurs qui creusaient des tunnels sous le sol, des petites bébites. Puis quand les gros dinosaures arrivaient là-dedans, ils s'enfonçaient et les bébites les bouffaient. D'où l'explication de découverte d'endroits où on aura... différents types de dinosaures, des herbivores, des coureurs, des carnassiers, à la même place, donc un cimetière de dinosaures. À un moment donné, on se rend compte qu'ils sont morts partout sur la planète à peu près en même temps. Alors, l'histoire va parler d'une météorite, peut-être, qui aurait frappé le sol dans la région du Mexique, Yucatan, le golfe du Mexique, et qui aurait recouvert la planète de nuages. Ce qui aurait amené un hiver nucléaire, enfin, c'est le même type qu'on aurait suite à une guerre massive nucléaire, et ça aurait créé l'extinction des dinosaures. On a, par contre, dans certaines régions, découvert des dinosaures qui, Tyrannosaurus rex, Allosaurus, donc d'époques relativement différentes, dans différents pays, des Vélociraptors, peut-être, je ne sais pas, Steven Spielberg, peut-être une de vue-là. On a découvert là-dedans des stégosaures, stégosaurus, des ankylosaurus, des protocératops, des iguanodons, des trachodons, des dinosaures terrestres, herbivores et carnassiers, qui démarrent, et ils ont tous un trou très, très, très bien fait dans le front. Bon, et certains ont un trou bord en bord du crâne. Ce qui a amené certains personnages à penser que c'est peut-être des faisceaux laser qui les ont éliminés. Là, on va dire, on est dans la fabulation. Ouais, la fabulation de la légende. Vous savez, la Vierge Marie, qui n'a pas de contact sexuel avec personne d'autre que Gabriel. Pardon, qui non. Qui n'a pas de contact sexuel avec personne et qui, à un moment donné, enfant. Si je vais dire, moi, que ma mère n'a pas rencontré personne puis elle m'a enfanté, on va dire, je fabule. Mais combien de centaines de millions de personnes sont accrochés sur l'idée que Jésus est né d'une mère vierge. Et ce n'est pas la fabulation. Ce qui est important, c'est que Arthur, c'est une légende. Aujourd'hui, on sait où est sa tombe. Et on l'a trouvé là où la légende dit qu'il a livré son dernier combat avant de redonner Excalibur à la fée des eaux. On a trouvé sa tombe. Les montagnes du Tchik-Tchok sont effectivement phénoménalement phénoménales. C'est bizarre. On a un climat arctique polaire sur le Tchik-Tchok au sud du Saint-Laurent. Et vous allez là au mois de mars, avril, mais même juin, vous êtes encore dans la neige. Il y a des grosses neiges. Bon. C'est intéressant. Les Vikings, selon la légende, cette légende-là date de longtemps. Et c'est bien Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Amerigo Vespucci avait donné son nom à l'Amérique. D'autres n'étaient pas assez avant. Aujourd'hui, on sait très bien que les Vikings sont venus bien avant. Les Templiers ont dit que leur trésor serait caché là où personne n'irait jamais voir. Bien, c'est sûr, en Europe, on n'irait pas voir au Québec. Le Québec n'était pas existentiel à l'époque. Et on en a plein comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'effectivement, on a des légendes qui vont vivre en Égypte. On retrouve en Judée, on retrouve chez les Mayas. On dirait des patrons de légende qui sont utilisés à colorer selon l'époque et les gens. Regardez ceci. Il faut rire, parce que ça part pas assez. Qu'est-ce que l'imagination? L'imaginaire. Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que la parole dans vos têtes? Ce que vous pensez, ça pense dans vos têtes, mais vous êtes capable de parler dans vos têtes. Vous êtes capable de lutter contre une pensée, de l'envoyer promener. Elle revient. Si on élimine, soyons cartésiens, et éliminons tout ce qui fait partie de la fabulation. Aimer, ce n'est pas prouvable scientifiquement. Les scientifiques aiment, or ils vont accepter l'amour. Mais en vous et moi, mesurez-moi ça. La pensée, ce n'est pas prouvable scientifiquement. Il y a un observateur. L'observateur va dire, écoute, je suis là. Prouve-moi que tu penses. Même s'il parle, il prouve qu'il parle. L'imagination. Le gars qui a une idée géniale à un moment donné, lui, il parle d'inspiration. Son idée, il ne la commande pas. Il n'est pas en train de la forger, l'idée. Il travaille, il s'en va, puis boum, il l'a. Ou bien, il ne faisait rien d'autre, subitement, oup, il l'a. Ou bien, il dormait, puis il se réveille, snack, il a une idée géniale. Mais l'idée, c'est de l'imaginaire. Si cet imaginaire-là s'applique à notre réalité matérielle, devient-elle plus tangible que le même imaginaire qui ne s'applique pas, apparemment du moins, ou apparemment tout court, ou tout court, à la réalité matérielle? Bien, si j'imagine une table, puis je la fais, bien là, c'est une la table existe uniquement parce que quelque part, tu as commencé par la voir dans un monde. apparemment, qui n'existe pas. Toutes les idées qu'on a eues, le langage, la création du langage, c'est sûr qu'au début, il y a des gutturistes. Mais à un moment donné, la parole ajuste la pensée. C'est quoi la pensée? La parole ajuste l'humain. C'est quoi la philosophie? C'est quoi la psychologie? La table, le verre, les automobiles, c'est pas tous des accidents. Il y a plusieurs inventions en science qui sont accidentelles. Et il y a des structures de travail, de recherche qui font que tout ça part dans un monde que la science, enfin que les sceptiques ou que plusieurs personnes vont bannir. Alors là, au maximum, du point de vue de la véracité. C'est pas crédible. Je pense avoir vu une soucoupe volante. Je pense avoir inventé quelque chose qui marche avec de l'essence et qui, je vais appeler, moteur explosion. Mais les automobiles, aujourd'hui, fonctionnent avec des moteurs explosion. La majorité. Pourtant, ça vient aussi de ta maudite pensée. Ça vient-tu des légendes qui s'incarnent aujourd'hui, ça? Non! La légende, qu'est-ce que c'est? C'est l'explication de choses qui ont été vécues par l'humain. C'est évident que moi, si je l'ai déjà expliqué, si je me promène dans un char tiré par des chevaux et que je ne vois que des chars tirés par les chevaux, la journée que je vois un imbécile qui a décidé de monter sur son cheval parce qu'il y avait une panne sur son char, il y a un essieu de cassé, puis qu'il s'en va au garage à cheval, moi, j'ai jamais vu un gars à cheval. Quand il me croise, le gars, gling, gling, gling, je comprends rien dans ma petite tête. Puis moi, j'ai vu un centaure, j'ai vu un gars avec un corps de cheval. Un cheval avec un corps de bonhomme dessus. C'est ça que je vais compter, peut-être. Ça se peut. Et là, d'où là va naître dans la légende le centaure, l'homme qui a un corps de cheval. Parce que j'ai pas pu interpréter convenablement tout de suite ce que j'ai vu. On sait, par exemple, que sous les lieux d'un accident ou d'un meurtre en public, on demande aux gens « Que s'est-il passé? » On rentre dans la légende. Le gars qui mesurait 6 pieds 8, qui avait un complice, qui était dans la foule, il a tiré 4 coups. L'autre, il dit « Le gars, c'est un petit nez. » Tout est différent. Et on ne sait pas, on le sait aujourd'hui. Mais qui a raison? Et là, ce qu'on va dire, c'est regardons la photo, une photographie. Mais on sait qu'une photographie, allez en voyage en Italie et ramenez des photos. Ils vont se triper comme vous autres. Non, il manque une grosse partie. Il manque ce qu'on refuse. Bon. Par contre, quand les gens, la première fois qu'ils ont vu des kangourous, il y a un gars qui est allé en Australie, il a vu un kangourou, il est venu puis il a dit « J'ai vu un chenille. » Ils pensaient que c'était un homme. Au début, ils ont essayé de leur parler, etc. Mais quand vous, ils ne parlaient pas. Ils mettaient tout à leur poche, tu sais. Sauf que les premiers qui ont décrit le kangourou, on leur a dit qu'ils étaient un peu cinglés. Le premier qui a décrit une girafe, peau de léopard, queue de ptérodactyle, sabot de vache, tête de gazelle avec un cou qui n'a pas de goût du bon sens, il faut que ça s'écarte pour boire, on a ri d'eux. Quand on a mis une girafe en Europe, à un moment donné, ça a été, ça n'a pas d'allure, ce genre d'animal. L'ornithorynque, c'est la même chose, hein, queue de castor et puis patati patata, fourrure de loutre, bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui fait partie de l'imaginaire, tout ce qui fait partie de vos rêves, quand vous pensez à un monde meilleur, il existe peut-être. La problématique, c'est que nous, on va dire qu'il n'existe pas parce que quand je me bûche, quand je frappe la chose, là, mon monde meilleur n'est pas là. Tout ce qui existe aujourd'hui est né de notre tête. Ça veut dire que quelque part, on, nous sommes capables d'aller puiser des illusions, des images, des formes, des idées, des choses, des concepts. On est capable de les amener, puis dans notre monde, on les place. Mais quand vous, si vous regardez un film, est-ce que ce que vous voyez est vrai ou faux? C'est sûr que ce qui est filmé est vrai. Mais l'histoire qui est racontée, Patrouille du cosmos, les vaisseaux sont vrais, ils sont des maquettes. Le monde, il marche des corridors, oui, c'est des studios. L'humain a-t-il été capable d'inventer ça à partir de rien, ou si l'humain est capable de mélanger différentes informations à travers son imaginaire pour arriver à recréer avec les limitations du bord. C'est-à-dire que si moi je pense à un moment donné à voler, tu sais, Léonard de Vinci, il fallait que ce soit fort pour penser à voler. Il a même inventé un parachute, il pensait déjà aux écrasements d'avions. Bon, c'est le premier qui a inventé un parachute. Mais il était assez pesant que le parachute qui sauvait le gars, il fallait qu'il tombait puis il tuait un armature, tu comprends? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonhomme qui pense avion, il ne faut pas être fort, il ne faut pas être brillant. Mais aujourd'hui, on a des avions. Jules Verne, qui à un moment donné disait qu'on enverrait quelqu'un sur la Lune, c'est un grand canon qu'on placerait en Floride. Et c'est là que les premières bases américaines ont été placées pour lancer des satellites. Cap Canaveral, Cap Kennedy. Et lui, il disait que c'était un gros canon pour tirer le satellite. Mais on étudie actuellement des canons pour lancer des satellites. Ce serait plus économique que des fusées. Mais l'idée n'est pas de dire avait-il raison, n'avait-il pas raison, son balance. Le scaphandre autonome, c'est Cousteau qui a inventé ça. Il n'y a personne qui le sait. T'sais. On pense que ça date de... C'est Cousteau. Des bonbonnes, là, puis le masque, puis c'est Cousteau. Mais avant ça, dans des romans, on parlait de choses similaires. Et là, on dit, ah, ça, c'est un visionnaire. Pourquoi on dit c'est un visionnaire? Il écrit un roman. S'il écrit quelque chose d'autre qu'un roman, on dit, ça, c'est un prophète. Puis si c'est dans une autre époque, on va dire, ça, c'est un cinglé. Donc, il y a moyen de réincarner aujourd'hui le futur. Ça pourrait être la légende d'aujourd'hui, ce qui est la réalité de demain. L'humain a la possibilité de faire voyager, ça. Effectivement, de se rappeler le passé, de se rappeler le futur, mais de se rappeler des mondes parallèles. On fouille partout. Mon grand-père, moi, quand j'allais chez lui, il me disait, pas mon grand-père est mort, j'avais 3 mois. Bon, mon oncle, il me disait que dans la grange, quand on y va à certaines époques de l'année, il y a toujours du monde. Fait que moi, nécessairement, j'étais voir. Et il y avait du monde. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien, je ne suis pas resté. Là, je leur en ai parlé un petit peu. Là, ils m'ont expliqué que c'est le diable qui couche dans une grange différente à chaque fois dans la région. Ce qui fait qu'on sait à peu près quand est-ce que le diable va être dans la grange. Mais les animaux sont stressés et nerveux à l'époque. On les sort. Dès que c'est l'hiver, on ne couche pas en dedans. Alors, à un moment donné, moi, j'y suis retourné. Avec, dans ma tête, je devais avoir 8-9 ans, dans ma tête, l'idée que le diable était là. Ah, nécessairement, j'ai vu le diable. En tout cas, je l'ai senti, je l'ai entendu, j'ai vu les formes bouger, j'ai sagé mon cœur. Est-ce que c'était le diable? Est-ce que c'est une vache oubliée? Est-ce que c'est le chat? Une chose est certaine, c'est que on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de phénomènes qui sont explicables scientifiquement, mais la science explique quoi aujourd'hui? Elle explique des mécaniques que les légendes parlaient avant. Donc, si la légende en parle avant, c'est qu'elle en parle émotivement, spirituellement. Et j'ai vu un gars qui a un corps de cheval. Mais dis, j'ai vu un gars sur un cheval. Ils ne croiront pas plus, le monde. Puis un jour, on va expliquer que c'est pas un gars qui a un corps de cheval, t'as vu? À moins d'un gros accident, là. C'est un gars sur un cheval. La science, elle explique quoi? À un moment donné, il y a du monde qui a commencé à penser qu'il y avait que les planètes tenaient tout seul dans les airs. C'est-tu bien ça? Peut-être échec des filles. Ah oui. Mais savez-vous qu'ils tiennent quand même tout seul dans les airs? On peut trouver le fil. Ça ne rend pas niaiseux ce qu'ils ont dit. Eux ont eu la conscience de constater que, merde, c'est là. Et là, pour être capable de garder leur cohérence psychologique, il fallait qu'ils expliquent pourquoi c'était là. Comme les sceptiques vont le faire aujourd'hui, comme les religions vont le faire aujourd'hui. J'ai vu une secouvolante qui me suivait. C'était Uranus qui suivait. C'est sûr que tout le monde doit s'arranger pour expliquer. Bon, j'ai vu un feu dans le ciel, il y avait un spectacle d'extraterrestres. C'était une aurore boréale. Mais une aurore boréale, c'est spectaculaire. Mais la personne qui va vous conter ça, elle descend du nord, là, puis elle vous dit, un spectacle, là. Il y avait des couleurs, ça montait haut jusqu'à l'infini. Écoute, pour l'œil humain, là, qui n'est pas encore habitué au parsec, c'est sûr que c'est infini. Il vient nous conter ça. Il est un petit peu épais. Parce qu'on ne l'a jamais fait. Un jour, on en voit. Et un jour, de l'explication émotive, on va passer à l'explication plus scientifique. Et c'est un bon point. Des légendes, moi, ce que je veux dire, c'est que derrière les légendes se cache une grande part de vérité, de réalité. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas le rôle de l'homme, ou de la femme, ou de l'enfant, du chercheur, ou de la chercheuse, que de dire comment interpréter la légende. Là, ce que tu veux, toi, c'est te conter une menterie, aussi fausse que la légende, mais qui va être plus en affinité avec ta raison psychologique. Bon, la Vierge Marie, là, Gabriel, ça devait être un extraterrestre. Plusieurs personnes lancent cette théorie-là aujourd'hui. Théorie extraterrestrielle. Bon, OK, pourquoi? Parce que eux, ça maintient leur cohérence psychologique. Mais les gens pour les gens. Peut-être que Gabriel, c'était le coiffeur du coin. Bon, ça se peut. Mais ça se peut peut-être aussi que Marie ait pu enfanter sans avoir de relation sexuelle. Ça se peut. Pourquoi ça se peut? Parce que qu'un spermatozoïde touche l'ovule pour faire un bébé, c'est aussi épais et impossible que ça marche que l'ovule décide de le faire tout seul. Nous, on se rend compte que la petite bébête s'en va, elle remonte, là, puis boum, d'un ovule. Puis là, bah, il rentre, peut le faire. Puis là, deux, trois, quatre, ça se divise, ça se divise, ça se divise, ça se divise. Ça fait un bébé. Ça fait pas une chaudière. On constate. Des fois, ça fait quelque chose qui mange beaucoup, mais on constate. Sauf que scientifiquement, vous ne pouvez pas m'expliquer ce qui se passe. La science peut décrire. Pas expliquer. Nous vieillissons, nous pouvons rajeunir. Quelqu'un va dire, ouais, mais on a quelqu'un qui a déjà rajeuni. On peut voler dans les airs avec des appareils plus lourds que l'air. Si je dis ça en 1800, ils vont me dire, ouais, mais on a pas quelqu'un qui l'a fait. Personne ne l'a fait. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Et ça ne veut pas dire que c'est de l'impossible. Nos légendes, toutes les légendes, légendes arthuriennes, légendes nazaréennes, légendes bouddhistes, les légendes amérindiennes, les légendes norvégiennes, ces légendes-là, pourquoi vous pensez que quelque part, certaines légendes touchent le cœur de l'humain? Quelque part, ça te touche parce que quelque part, il y a de la vérité que tu reconnais dedans. C'est facile de dire que la réincarnation existe. Mais c'est une théorie, c'est une légende. La réincarnation n'existe pas, c'est aussi une légende. Ceux qui disent que la réincarnation n'existe pas vont dire, personne n'est revenu pour nous le dire. Non, mais celui qui croit la réincarnation va dire, y a-t-il quelqu'un qui est mort qui est venu te dire que ça n'existe pas? T'en sais pas plus. Quand tu meurs, vu que personne n'est revenu, tu ne peux plus le savoir. Et je vous dis, ça ne prouve pas que la réincarnation existe. Ça prouve qu'on ne peut pas se tirailler pour parler de la réincarnation. On peut vibrer, ça maintient notre cohérence psychologique. Quand je me couche ce soir, je dors mieux, sachant que si je meurs, je vais me réincarner, ou je vais me ressusciter, ou je vais aller au nirvana, ou il n'y a plus rien. Ça dépend de ma cohérence psychologique, de ma cohérence mentale. Ce que je veux, derrière les légendes, ce qui est important de trouver, c'est que ce qui se passe dans vos caboches est probablement plus intensément vrai que ce qu'on a exprimé de ça. La table, elle est vraie, mais elle existe par l'expression de quelque chose que plusieurs reconnaissent comme étant faux. Mais comme la majorité de ce qui se passe à l'intérieur de vous n'est même pas exprimé, mais que ce qui est exprimé, ce qui existe, vient de l'intérieur. Les idées, les messages que vous écrivez, les romans, les livres, les constructions, les plans, les invasions, les théories, la science, les satellites, les avions, tout vient de l'intérieur. On ne peut pas cracher sur l'intérieur comme ça. Il a dit, écoute, c'est ton imagination, t'es un fantôme, c'est ton imagination. Les feux de Saint-Elme, ceux qui y sont marins, l'espèce de gros champ électromagnétique qui apparaissait sur le bas des navires à un moment donné. C'est sûr que quand tu as sacré 3-4 fois, puis à un moment donné, t'as une apparition, un feu de Saint-Elme qui apparaît en haut, relié à la danse de Saint-Guy, il faut que tu puisses expliquer la mécanique. Écoute, Dieu, on a dû te déchirer quelque chose, je sais pas où est-ce que ça me culotte, quoi. Le mot est trop haut, électricité statique. Mais électricité statique, ça nous dit pas pourquoi c'est là. Ça nous permet de comprendre. Quand je parle de l'astral, moi je vous dis, l'astral, il y a des égrégores, il y a des mémoires qui sont ramassées par l'humain, le culte des ancêtres, l'entremain, etc. Bon. Si on comprend ces mécaniques-là, on peut éviter d'être charrié. Ça rend compte que c'est pas l'humain qu'il faut qu'on haïsse, bordel, c'est la mécanique. Là, on y est écœuré. Mais fondamentalement, il veut pas écœurer personne. Un bon gars, il veut la paix, il veut l'abondance, il veut la sécurité. Puis il est aujourd'hui en train de battre ses enfants. Pourquoi? Demain, il va regretter. En comprenant la mécanique, en y expliquant la mécanique, qu'elle soit fausse, qu'elle soit vraie, il va être capable de s'aider, de changer son comportement. Si moi, je m'explique scientifiquement l'électricité statique, que j'ai raison ou que j'ai tort, tant que mes théories sont conformes avec ce que je peux expérimenter, je peux éviter maintenant de bousiller une puce d'ordinateur en y touchant directement parce que je connais la théorie de l'électrostatisme. Je peux éviter qu'un avion vive des problèmes majeurs parce que je vais mettre sur les bords de fuite des petites antennes. C'est quand j'ai pris l'avion, les petites antennes, c'est pas les ailes, là. Ça, c'est pour laisser couler l'électricité, pour que ça s'élimine. Quand l'avion va atterrir au sol, vous allez voir qu'avant de mettre le carburant dedans, il y a un bonhomme qui s'en vient avec un gros corps, puis s'il ne fait pas, sortez vite. Il connecte ça après l'avion, il fait une mise à terre, il vide l'électricité statique. Mais le Dieu électricité statique, s'il accepte de sortir par un fil qui l'amène au sol, peut-être parce qu'il y a une déesse plus intéressante dans le sous-sol. Si vous comprenez ça comme ça, vous allez quand même éviter les problèmes d'électricité statique. La science ne peut pas comprendre ça comme ça. Elle va parler de polarité. Mais le Dieu qui court après la déesse dans le sous-sol, on parle aussi de polarité. L'idée, c'est que derrière les légendes, derrière votre imagination, et c'est encore plus important que l'idée même de la légende, ce que vous visionnez, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, je ne dis pas que c'est une réalité, même la matière en est pas là. Ce que je dis, c'est que ça a autant d'importance que la matière. De ce fait, quelqu'un qui travaille sur la pensée positive, ça va nécessairement engendrer une mécanique transformatrice à l'intérieur de lui. Mais ça ne rendra pas la voisine ou le voisin plus beau parce qu'il se répète qu'elle est plus beau. Mais ça va faire en sorte que ses schémas d'interprétation vont finir par colorer sa vision et il va finir par le voir plus beau. Il faut se faire de nous autres une légende. Ouais. Il faut être la légende. Très bon. Votre pensée. Pouvez-vous me prouver que vous avez vécu le 10 ans? Mais vous ne pouvez pas. M'amener une photo, c'est la preuve que vous avez une photo aujourd'hui. Et ça ne prouve pas que vous avez vécu le 10 ans. Il y a plein de témoins. Ça prouve qu'il y a plein de personnes qui pensent que vous avez vécu le 10 ans. Vous ne pouvez pas le prouver. Tout ce que vous pouvez prouver, c'est que vous avez des choses aujourd'hui. Puis c'est supposé démontrer que. Moi, je prends une photo d'une soucoupe volante. Ça prouve-tu que je l'ai vue? Ça prouve que j'ai une photo. Ça ne prouve pas que je l'ai vue. Ça prouve que j'ai une photo. Par exemple, vous haïssez, vous avez des problèmes dans votre vie parce que. Changez donc votre passé. Venez régler vos problèmes. C'est ce que les psychologues font. Ils viennent vous convaincre que c'était pas si grave que ça, ce qui vous est arrivé. Mais vous, dans votre mémoire, c'était grave en maudit ce qui vous est arrivé. Toute la structure est basée là-dessus. À un moment donné, on s'est connus quand on était jeune, puis maudit qu'on chicanait. Quand on se rencontre 10 ans après, vous me dites, hey, ben oui, hein? Puis on s'entendait-tu bien? Moi, je vous dis, ben oui, on s'entendait pas bien, on chialait tout le temps. Le passé est une légende, une farce. Dépendamment à quoi je m'accroche, je vais vivre ma vie. Dépendamment à quoi l'autre s'accroche, il va vivre sa vie. Elle a hâte de me revoir, j'ai peur de la revoir. Pourquoi deux points de vue, deux vies, deux légendes? Notre monde est bâti sur des légendes. Les religions, même la science, même les légendes des nations, des pays, les légendes des gouvernements. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que toute cette mécanique-là devrait faire partie de votre conscience de vie. Pas parce que c'est vrai, pas parce que c'est faux, uniquement parce que c'est utilisable. Tu as besoin qu'Arthur ait existé pour te donner une raison de vivre? Arthur existe. Tu as besoin que M. Spock existe quelque part sur une autre planète? Tu vas être efficace dans ce qui-ci. L'autre a besoin que tu sois Dieu. C'est pas de problème. C'est quoi de... c'est de l'illusion? Mais vous savez de l'illusion. Très utilisable. C'est une forme utilisable. Je te dis je t'aime dans une lettre. Ça vaut quoi? Ça vaut beaucoup. C'est rien qu'un bout de papier avec de l'encre et des lettres dessus. Eh oui. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça parce que ça vient d'un monde qui n'est pas ce monde-là. C'est important de comprendre que derrière la légende, derrière vos idées, vos imaginations, vos espoirs, tout ça est une problématique, c'est pas géré. Croire à une légende est un problème. Mais vivre avec une légende, c'est le bout du grand plaisir, drôlement utile. Le rêve, l'émerveillement, c'est la légende. Mais là-dessus, les gens, disez-vous, c'est vous. Puis, n'ayez pas peur de penser. C'est ce qui crée les choses. Voyons. Bonsoir.